On sera d'attaque et puis sinon, je vous le rappelle, hein, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de la radio, fadjet.net, rubrique archiphonique, pour retrouver les émissions en podcast la semaine prochaine, donc mercredi 31. On se souhaitera la bonne année. D'ici là, on vous souhaite un très joyeux Noël, bien sûr. Voilà. Hein, bon repas, ne mangez pas trop, ne buvez pas trop et oui, joyeux Noël. Et puis en espérant que le Père Noël sera au rendez-vous. À suivre sur Fadjet, c'est le menu étudiant présenté par Florent et toute son équipe avec une émission spéciale Noël. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et sinon, l'année prochaine. Bonne soirée à tous, salut. Entre les partiels, les TP et les oraux, c'est tendu d'être étudiant. Hein. Bah ouais, mais c'est assez bon côté. Ah oui ? Lesquels ? Cite-moi-en un, tiens. Il y a le menu étudiant sur Fadjet, avec les bons plans sortis et concerts et toutes les infos étudiantes. Quoi comme infos étudiantes ? Par exemple, les études à l'étranger, les infolites, les mises en lumière de projets étudiants, les présentations de formation, le do-it-yourself, des débats ou encore des reportages. Ah ouais, ça vaut le coup d'être étudiant. Ouais, surtout de 19h30 à 20h sur Fadjet avec le menu étudiant. Et en plus, c'est tous les jours. Vous rêvez d'une émission classique, pas trop classique? Eh bien, cette émission existe, c'est sur Fadjet. Concerto en Fadjet, c'est le classique présenté et expliqué avec passion, mais sans blabla et surtout sans prise de tête. Alors je vous invite à retrouver les meilleurs artistes, les meilleurs disques classiques, tous les jeudis soirs de 18h30 à 19h30 dans Concerto en Fadjet. Fadjet vous souhaite de joyeuses fêtes. Woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song live- The Miracle, YouTube sur Fadjet. Il est presque 19h30, l'heure de retrouver toute l'équipe du menu étudiant pour fêter Noël. Oh oh oh oh, joyeux Noël sur Fadjet. Joyeux.